La Bruxelles référence à Sagui Charoufara. Ambiance à gogo, tout le monde saï saï, saï saï saï saï. On dirait bonne année. Tous les soirs saï saï, saï saï saï saï. On dirait fêtier. Olivier Lanaluanda, chez Atende Kouan Ikeleba, Nakasavubu, Kuna, point final. Palaki Kitoko, Malasine Lamba, Titinzo se firme avantage. Par rendez-vous, Nyansa, c'est na téléphone. Mentor, c'est partout, partout, na Paris. Hollywood City, Roger Mwanangele, Makumba. Allô, allô, savez-vous que oh, oh, ici chez nous l'ambiance est à gogo. Et tout le monde saï, saï, saï, saï, saï, saï. On dirait bonne année. Tout le monde saï, saï, saï, saï, saï, saï. On dirait fêtier. Express, agence assure. Chicken parisien à la maille. Kanisa Kini Totika. Alembi Yana Bébé Mwamba. Bana Londre. Yo. Bana Bondese. Yo. Binope Bana Kaembae. Yo. Etats-Unis na Canada. Bokanisa Boka. Et tout le monde saï saï. Saï, saï, saï, on dirait bonne année. Tout le monde saï, saï, saï, saï, saï, saï, on dirait fêtier. Qu'il la belle source de paix de Boya Bissengoro. Matongue banal, saï, saï, saï. Matetele, ma saï, saï, saï. Tchè, tchè, na bontale. Kimba, sani, masina, saï, saï, saï. Kambonga lema, saï, saï, saï. Abidjan très juif. Kini mon bimba, saï. Et tout le monde saï, saï, saï, saï, saï, saï. On dirait bonne année. Tout le monde saï, saï, saï, saï, saï, saï. On dirait fêtier. C'est le référence à Sagui Charoufara. Ambiance à gogo, tout le monde saï saï, saï saï saï saï. On dirait bonne année. Tous les soirs saï saï, saï saï saï saï. On dirait fêtier. Hey, Socrate est là pour mettre l'ambiance. Tous les peuples africains sont réunis ici en France. Il faut que ça cartonne, obligé de laisser mes baskets pour mes Weston. Saï, saï, saï, on ressent la joie dans ma voix quand je m'installe sur l'instrumental avec Papa Wemba, la star internationale. Yo, ah, mon frère, ce soir c'est l'ambiance à gogo. Ne pense pas et fais la fête, chauffez. Yes, sir. continue comme ça. Ce soir ça sera chaud, j'espère voir des coups. Je me mets en tenue correcte, pantalon et ses bagous. À peine arrivé dans la salle, je me découvre. J'ai trouvé une raclée et maintenant faut que je me couvre. Ouais, pas de problème, on continue. Ah ouais, mon histoire n'est pas finie, je continue. Je vais avec elle, elle me demande de danser. Ok, je vais danser avec elle. Après, elle me donne son numéro de téléphone. La lendemain, je la revois. Et on fait la fête, on fait la soirée instrumentale. Comme ça, on s'étale, je m'installe dans la face. Jean-Luc Moukoko, Babo Makamoto na pétrole te, okome mangambo a pa. Makamboyo, Lempika, yebisa mère Malou, batale langa situation langaï, na malembe. On a commis des paysans. Basala kamalasi. Nzea Jardin d'Eden. Mongongo na yo eyo kisaka basur Chantal. Na koza la passion loko la masuwa na libongo. Osali sans tache loko la jonde. Thank you. kala ose ata lele den lele e prefetili alisi baba e oyo kama jalousie pe mabe e tinda kama to aluka na lo mango via ko luka na lo mango e tinda kama to akonta bongama mama e Ata ba ye bato na biso lolokolo na si Eske ba le isa kamo kisipa Matongi na bino Benelo molanga lo poso ya nzoto Ameni sosa wapinga mwana na yo Na zangi o yako konsolema Moi mon kefa manazi mon kili mon dimbe yini nga male chance Lambio lambio Anzambe luke langa mon kili mon susu Takele kubo mana oya mabangu na dimba na sala na berso ya mama Kele kele kikole kaba beka nyo songa na lala Mama soki ozala kikaka na bomoi Bele na sengi ozange sanga susuana Jamoli ngati ngana lila yo seka Jamoli ngati yo olala ngana la muka Jamoli ngati ata mbya tungi sanga Soki na beli ozala kikota na tokosa Banda yo kena na kuma abandoni Récompense na yo na kopesa na nyangu Ata na leli na nyako dorlo tenga Yangwa na yebeli ya onze boyo mama nyondo Elengi ya libele ya mama bota ngai Kile ki bare sete nyonso ya ba porto bleu kanadia Ata mafuta tomati ezala kite Kasi yango eleka ki mousu ni lelembi Banda yo kenda peti esilanga Na koma koli ya kakapona sepelisa monokoye Matea ya mamezanga bile kepe minerval Kasi ele ki bale son ba metra ba profeseur ba pesanga Mama soki ozala ki kaka na bomoi Bele na sengi batia yo ministre edikasyon Bele ba parpe ba prison yo so ba kanga Bele kutu mutu ba be azalite Lelo na kanisi yo mingi mama Bonjour anniversaire nanga e komine M'invite bakoli ya bakomela masanga Yo kutu artisan nango yo zalite E pa yo zali soki yo kutani na okasyon e Jindela nga karte de vœu a ta fololo E sengo nanga e kozala multiplie fwa de Normalement fete ya lelo e zali ya yo Serment d'Hippocrate ba médecin ba kosalaka Yanga serma yo zala toujours mama nanga Ata baba neli mokili soki palazomi Yanga serma yo zala toujours mama nanga Je voulais yo asakei Na tita lobe na Pierre Chongo Ba apene kato na kauka Ba tela kanga imo anama Invite bakoli ya bakomela masanga Yo kutu artisana ngo yo zalite Ye pa yo zalisa kyo kutani na okasyon e Indela nga karte de vœu ata fololo E sengo nanga e kozala multiplie fwa de Normalement fete ya lelo e zali ya yo Serment d'Hippocrate ba medese ba kosalaka Yanga serma yo zala toujours mama nanga Ata baba neli mokili soki mbala kamae Yanga serma yo zala toujours mama nanga Mama soki yo zala kikaka na bomoi Mbele na sengi yo zangi sanga susuana Mama soki yo zala kikaka na bomoi Mbele na sengi yo zangi sanga susuana Consolation Nangai, Joe Nyondo, photocopie na yo. Yeah! Horizon ensemble!

bien Nokolando Michuri Kombe kombe tellement pour moi Kalikolo Que soy ya ligorodo Et koki kos mayete Hein Château, le roi soleil, Francky Sekia. Et toute la ville en parle. Est-ce que vous avez un peu Ainsi, le seul. Et bien, Makonda. Soy Alain Macidi, Gina Mateta, Gilele Emporio. Où toi l'élo et quand elle m'a souci au La musique y a viva na koyemba o. Na moni yo na esele sele o. Na linga ki na tu na moteme bo. Sani bato basala ki ebele o. Na boya ki ba ye pamba na kanye o. Petit bakoli mais rêve bango talakaka bukana o bukana Un coup de canon pour Bayard Dominique obeko la la wana. Lipeka peka, ako salaka bipale, ako sani eka salaka mbinzo, Serge Maembo, Atene. Le grand katange, Jusse Katanga. Boutou elingi kokota roye, bongeza li koleka. Tongue Cotana, Basso Soba, Comi Colella, Mamu, Tada Tale, Lamali, Camboyo. Polidor Onema, Ibanga Malakite. Attention, Londres, Aloïs, Elvis Atikou, saiba mundu pourvu que bakaba kolisa hasta bulo Kaniwara kidiata Jam Jamol et le président Jacques Boulevé les affaires. Suisse. Viva, tout y est, c'est ça, oh yeah, mouvement. mbonda o Grand aigle, Kamaka Mouzouna, poison sécurité.